yeux. L'animal traqué ne sort que le soir de sa provisoire tanière. Il prend l'unique porte de secours. Il s'échappe de ce quartier feutré. Nouvelle adresse pour un nouvel abri. Un seul objectif, trouver du blé. Pour continuer de rester affranchi, mais il n'oublie pas le vieux cinéma. Toute l'histoire de sa vie commence là. Un jour il devra tout stopper, le temps de choisir une belle journée. S'offrir l'autoroute éternelle, enfin rouler vers le ciel. Sa vie pour se glisser dans le cerveau de ses héros préférés. Tous ses vieux amis se sont enfuis. Il sent le vide autour de lui. Une belle journée pour tout changer. Sa vie.